Ouais, ouais. Comme ils appellent à la guerre, à la haine. Nous on appelle au bordel. Faut que ça dégénère. Une race soit supérieure, tant qu'il y aura encore une race dite inférieure, tant qu'il y aura des gens de première et de seconde classe, tant que la couleur de la peau d'un homme le déclasse, tant que la race aura plus d'importance que la couleur des yeux de glace, tant que cela ne change pas, t'étonnes pas que l'ambiance se glace, tant qu'on n'aura pas la paix, on laissera des traces. Tu veux la paix, prépare la guerre, c'est pour être efficace. Tant que l'histoire occidentale est une histoire africaine, tant qu'ils empoisonnent les mentalités africaines, tant qu'on ne sait plus donner, ni encore même recevoir, tant qu'il y aura des jeunes et des vieux encore plus dans le désespoir, tant que les valeurs celles ne sont plus, tant que la justice de ce pays nous exclut, tant que la merde ne tue pas le pas de ma rue, tant que les cœurs seront toujours un occupant du écoute. Toujours de plus en plus riche et que les pauvres restent encore toujours de plus en plus tant que le gouvernement entretient la misère sans pause pour nourrir la peur de la galère, sache qu'il faudra qu'on se pousse. Tant que l'État soutient les grandes entreprises afin de contrôler la merde, le chômage et la crise, tant qu'ils veulent contrôler nos matières grises, t'étonnes pas je crie, je passe cette entreprise, je suis pas de ce pays. Tant qu'il y aura la merde, ce sera la guerre et ça fera l'affaire si les frères et sœurs râlent. C'est universel, y'a trop de bavures criminelles, trop d'histoires, trop de querelles. À nous garder un temps soit peu de cœur, temps soit afin de préserver pour l'avenir un monde meilleur. Un monde meilleur, tant que les politiques, éthiques, se foutent de nos éthiques. Éthiques de pige après ce qui pour nous est automatique. Tant qu'on aura